Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons commencer l'émission en nous mettant l'eau à la bouche. Notre nutritionniste Karine Gravel va nous raconter comment la vaisselle, les coupes, les ustensiles créent des illusions sur nos propres sur nos perceptions alimentaires. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Alors par exemple, donc la couleur de la nourriture, de la nappe sur laquelle on mange, ça pourrait modifier les portions alimentaires qu'on se sert. Oui, oui, c'est plutôt amusant. Donc, j'ai eu bien du plaisir à préparer cette chronique-là. Donc, c'est des chercheurs des domaines du marketing et de la psychologie qui ont étudié les effets de la vaisselle, comme par exemple le diamètre et la couleur des assiettes, la forme des coupes à vin, puis aussi les effets des ustensiles sur notre prise alimentaire, puis aussi donc les portions servies et aussi sur la façon dont on perçoit les aliments. Donc, concrètement, le goût d'un même aliment pourrait être perçu différemment selon la couleur de l'ustensile avec lequel on le mange. Oui, c'est intriguant ça. Donc, mais scientifiquement, comment les chercheurs ont fait pour mesurer les effets de la vaisselle sur les portions servies? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience pour mesurer ça? Ben, c'est une première étude de chercheurs américains, dont le chercheur Brian Wansing, qui est un chercheur très créatif du domaine du marketing. Donc, dans cette étude-là, les participants devaient compléter différentes expérimentations. Par exemple, les participants ont d'abord visualisé à quoi ça ressemblait une portion de soupe dans un contenant avec un diamètre de 9 cm précisément. Ensuite, on leur demandait de se servir une portion équivalente, mais dans un bol avec un diamètre différent. Donc, l'hypothèse des chercheurs a été confirmée. Les participants se sont servis en moyenne 8% moins de soupe dans les trois bols avec des plus petits diamètres. Ah oui, oh, ok, d'accord. Et est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire, est-ce que les participants se sont servis plus de soupe quand les bols sont plus grands? Oui, l'effet était significatif aussi. Donc, les participants se sont servis 10% plus de soupe dans les trois bols avec les plus grands diamètres. Donc, pour mieux expliquer les résultats obtenus, les chercheurs font référence à une illusion d'optique qui est appelée l'illusion de Delboeuf. Donc, ça a été documenté ça en 1865 par M. Delboeuf, justement. Donc, si on veut l'illustrer, il s'agit de deux cercles noirs de même diamètre, un à côté de l'autre, mais seulement un des deux cercles est entouré d'un plus grand cercle. Donc, comme s'il y a un tracé là, autour d'un des deux cercles. Et quand on les regarde tous les deux, le cercle noir qui est entouré semble plus grand, mais en réalité, c'est vraiment une illusion parce qu'ils ont la même taille. Puis si on veut voir, parce que c'est plus difficile à expliquer à la radio, mais on peut taper Delboeuf sur un moteur de recherche, puis on peut voir plein d'images, là, voir à quoi ça ressemble. Donc, cette illusion-là, l'illusion de Delboeuf, induit un biais de perception et ça pourrait expliquer pourquoi on se sert une plus grande portion dans une plus grande assiette ou ici dans un plus grand bol. Donc, la taille de l'assiette a un effet sur la portion qu'on se sert. Oui. Est-ce que la couleur a aussi une influence? Est-ce que je vais me servir plus de soupe, par exemple, si mon assiette est blanche ou bleue? En fait, les chercheurs ont mené aussi d'autres expérimentations à propos des contrastes de couleurs, puis ils ont obtenu des résultats plutôt novateurs parce qu'il n'y a rien qui avait été fait là, par rapport à l'étude des contrastes. Donc, par exemple, les participants avaient naturellement tendance à se servir une plus petite portion de nourriture lorsque le contraste entre la couleur du mets et de l'assiette était marqué. Donc, par exemple, les participants se servaient moins de pâte avec de la sauce tomate dans une assiette blanche parce que le contraste marqué, ou encore moins de pâte avec de la sauce Alfredo, qui est une sauce blanche dans une assiette rouge, comparativement là, à l'inverse, donc de la sauce blanche dans une assiette blanche ou de la sauce tomate dans une assiette rouge. Donc, si on veut simplifier tout ça, rendre ça plus simple un peu, plus le contraste entre le mets et l'assiette est marqué, bien moins on mange. Ça ou peut être au moins pratique. On s'en sert. Puis auprès d'autres participants, mais les chercheurs ont aussi remarqué un effet significatif du contraste de couleur entre la vaisselle et la nappe et la grandeur de l'assiette. Donc là, il y avait une interaction dans ces mesures-là. Alors, lorsque le contraste de la couleur était marqué, comme par exemple une assiette blanche sur une nappe noire, et que l'assiette était plus grande, donc la portion servie était environ 10% plus grande. Et à l'inverse, lorsque le contraste de couleur était faible, comme par exemple une assiette blanche sur une nappe blanche, puis que l'assiette était plus petite, ben la portion servie était environ 14% plus petite. C'est quand même important. Parce qu'on mange trois fois par jour. Moi, ça m'a inquiété un petit peu, par exemple, parce que j'ai des assiettes blanches, puis j'ai une nappe noire. J'ai peut-être pensé à changer ça. Donc, à partir de ces résultats-là, Il y a une recommandation des chercheurs que j'ai trouvée intéressante. Donc, c'est d'utiliser des plus grandes assiettes auprès des populations plus vulnérables, comme c'est par exemple les personnes âgées qui ne mangeraient pas suffisamment. Ah. Donc, comme ça, inconsciemment, ben, ils pourraient possiblement le mieux se rapprocher de leurs besoins nutritionnels. Donc, si la taille et la couleur ont un effet sur les portions servies, on peut se demander si c'est pas la même chose pour la boisson. Est-ce que je vais me servir plus de vin si j'utilise une grande coupe? Oui, quand même. Oui. Je m'en doutais un petit peu aussi, mais c'est bien parce qu'il y a une autre étude là, publiée aussi par d'autres chercheurs, mais toujours Brian Wansink, qui s'est aussi intéressé à la forme des coupes de vin. Donc, l'objectif, c'était d'étudier les facteurs environnementaux qui augmentent le risque de se servir davantage de vin, donc dans un contexte social. Alors, les facteurs qu'ils ont étudiés, c'était la taille, la forme de la coupe, la disponibilité de la nourriture qui accompagne le vin. Donc, est-ce qu'il y a des petites bouchées pas loin? Et aussi, l'endroit où la coupe est placée. Donc, est-ce qu'on la tient dans ses mains ou est-ce qu'elle est placée sur une table? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat? Mais spécifiquement, pour les buveurs de vin blanc, ces buveurs-là ont eu tendance à se servir davantage de vin dans une coupe avec une forme plus large, donc comparativement à une forme régulière. Donc, il y a un 12% là, de différence. Donc, d'après mes propres calculs rapides, ça donne environ une gorgée de plus par coupe de vin si on boit du vin blanc dans une coupe plus large. Ensuite, les buveurs de vin blanc ont bu 9% plus de vin que les buveurs de vin rouge. Donc, ça, c'est seulement là, par la couleur. Donc, les chercheurs expliquent ça parce que par le fait que le contraste entre le vin blanc et le vert est plus faible. Puis comme on voit moins le vin, on pourrait être porté à en boire plus un peu plus que le vin rouge. Puis un autre résultat intéressant aussi, donc personnellement, je m'en doutais un peu, mais ça confirme ce que je pensais. Donc, on boit davantage de vin quand on tient la coupe dans notre main, bien sûr, et pas loin comparativement à si on la dépose sur une table. Donc, si on tient la coupe dans nos mains, on risque de boire 12% plus de vin. Donc, l'équivalent, encore une fois, d'une gorgée par consommation environ. Et j'espère que tous ces effets sont pas cumulatifs, sinon un petit peu 12% plus 12%. Non, heureusement, les effets sont pas cumulatifs, donc tout ça a été évalué là, séparément. Donc, si on veut boire moins de vin, les chercheurs recommandent d'utiliser des coupes plus étroites, puis de déposer sa coupe sur une table entre les gorgées. Et dans tout ça, on n'a pas parlé des ustensiles. Est-ce que les fourchettes, les cuillères nous jouent aussi des tours? Oui, ça c'est une troisième étude du domaine de la psychologie. C'est des chercheurs britanniques, cette fois-là, qui ont étudié le rôle des ustensiles sur nos perceptions gustatives. Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est des chercheurs de l'Université d'Oxford qui ont évalué l'effet du poids, de la taille, de la forme et de la couleur des ustensiles. Mm-hmm. Donc, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, même des cure-dents. Donc, l'effet de tous ces ustensiles-là sur la perception de la sucrosité et de la salinité, donc sur les goûts sucrés et salés, de la qualité et de l'appréciation générale des aliments dégustés. Donc là, il y a plusieurs combinaisons qui étaient possibles et les chercheurs ont fait, encore une fois, des trouvailles intéressantes. Par exemple, une cuillère de plastique qui est légère rendrait le yogourt plus onctueux et même perçu plus dispendieux comparativement à une cuillère plus lourde. Moi, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai lu ça parce que j'aime ça, moi, manger mon yogourt avec une cuillère de plastique. Ah oui? Donc là, peut-être que j'ai l'impression de faire des économies ou je le perçois plus dispendieux, je sais pas trop. Ensuite, le goût du fromage est perçu plus salé lorsqu'il est mangé avec un couteau plutôt que pris avec une fourchette, une cuillère ou un cure-dent. Ou encore, une autre trouvaille, c'est que le goût est perçu plus sucré lorsque la nourriture est mangée avec une petite cuillère plutôt qu'avec une grande cuillère. Donc là, on peut pas vraiment expliquer pourquoi c'est comme ça. Souvent, la petite cuillère est associée au dessert et la grande cuillère à la soupe. C'est vraiment une question de perception, mais c'est quand même significatif. C'est des études très rigoureuses. Donc voilà, l'effet est là. Donc ça, c'est quelques exemples. Il y en a plusieurs autres aussi dans cet article-là. Donc si on résume, par exemple, si on veut manger de plus petites portions, on essaie d'utiliser des petites assiettes, d'avoir un contraste entre les couleurs, entre la couleur de l'aliment et l'assiette. Ou d'avoir un contraste, un faible contraste de couleur entre l'assiette et la nappe, si je me souviens bien ce que tu as dit. C'est ça, c'est exactement ça. Puis si on veut boire moins, on utilise des coupes étroites puis on dépose sa coupe sur une table entre les gorgées. Ah oui. si on veut avoir l'impression que notre yogourt est plus onctueux et plus dispendieux et qu'on veut avoir l'impression de faire des économies, ben on prend une cuillère en plastique blanche. C'est vraiment troublant, toutes ces illusions. Puis on peut se poser des questions si on mange avec les doigts. Est-ce que les chercheurs ont étudié? Non, ça, ça n'a pas été évalué. Est-ce qu'on mange plus ou est-ce que ça change le goût? Ben voilà, une prochaine recherche à faire. C'est vraiment surprenant toutes les études qu'on peut faire finalement sur l'alimentation. Ouais, c'est merci amusant. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir encore une fois présenté un aspect inusité de notre alimentation. Ben, merci beaucoup. Alors, on part en musique sur CKRL au 89.1.